un jour ordinaire que c'est arrivé. Après mon dessert, je prenais un café. Je ne savais plus plaire depuis bien de trop longues années. C'est alors qu'elle est entrée, l'air lointain et majestueux. Son pas, fin m'a frôlé. Dans un adieu, j'aurais voulu l'aimer passionnément. À corps perdu comme dans un roman. Demeurer invaincu rien qu'une heure ou même un instant. Elle se serait pendue à mon cou.